Et voici maintenant une capsule de la série Petite Mythologie, présentée par Martin Bertrand, sur les ondes de C'est fou. Homme cherche femme. N'importe qui lisant les journaux et se promenant sur Internet se rend compte de la popularité des annonces de rencontres. Celles-ci pullulent depuis plusieurs années en Occident. La question demeure de savoir pourquoi elles ont pris tant d'ampleur, devenant un incontournable pour plusieurs, afin de trouver l'âme sœur. Les sociétés traditionnelles rendaient la tâche facile à la recherche des concubins. Dans la plupart d'entre elles, les relations hommes-femmes étaient largement codifiées et le mariage correspondait davantage à un impératif de procréation et de rang social que d'amour véritable, bien que ne l'excluant pas nécessairement. Un reliquat de cette ère se trouve dans la monarchie et le système nobiliaire qui existe encore aujourd'hui dans plusieurs parties du monde, mais que nous connaissons surtout par l'Angleterre, le Canada étant membre du Commonwealth. On disait dans ce monde sélect que les membres de la noblesse avaient le « sang bleu ». Cette appellation correspondait au fait que les nobles espagnols se targuaient de n'avoir aucun membre parmi leur rang, qui est une ascendance mauresque, arabe, berbère ou juive, ayant donc une peau blanche très claire qui laissait paraître les veines bleutées. La « sangre azul » a été traduit par « sang bleu » en français. Les mariages dans la noblesse étaient donc faits pour promouvoir le rang social et pour faire grandir la richesse des familles. C'est pourquoi plusieurs se mariaient entre cousins propres, assurant ainsi la pureté de leur rang et évitant de dilapider la fortune du clan en l'envoyant vers un autre. Il était peu souvent fait mention d'amour, alors. Cette dimension relationnelle était assumée par l'amant ou la maîtresse. Avec la disparition quasi complète des systèmes de caste en Occident, puis l'arrivée de l'individualisme contemporain, la relation affective est devenue affaire de choix. Mais les repères se sont également abolis, compliquant la recherche de l'âme sœur. Ainsi s'est ouvert un véritable marché des célibataires, puisqu'aujourd'hui tout se vend et tout s'achète. La relation à l'autre s'étant aussi complexifiée, et toute notre société étant entrée dans l'ère du marchandage, au célibataire on attribue une valeur basée sur son profil au sein des annonces classées. Car que fait le ou la célibataire dans les sites de rencontres, sinon se vendre? Son profil est garant de son succès auprès des concubins-concubines potentiels. À l'inverse, il est placé devant un supermarché des concubins-concubines et a plus ou moins l'embarras du choix selon sa propre valeur marchande. Et le marchandage ne s'arrête pas là. La rencontre elle-même s'opère afin d'aller vérifier si le célibataire trouve en l'autre les caractéristiques qu'il recherche. Ainsi, homme, 28 ans, non-fumeur, professionnel, a tout le loisir de chercher jusqu'à ce qu'il trouve femme, 20-30 ans, non-fumeuse, professionnelle, blonde, yeux bleus, 36-24-36, dans la masse des quidams qui lui sont proposés dans ce type d'annonce. Photo de profil en su. De même, l'être humain, comme l'auto ou l'ordinateur, se présente maintenant dans une formule sur mesure. C'est également le règne du jetable que l'on retrouve dans le marché, si l'on se fie à la durabilité du couple contemporain. C'est l'être humain qui devient objet, objet de convoitise, objet de prestige, objet sexuel, et perd corollairement son statut humain. Reste à voir combien de temps ce nouveau mode de séduction durera, et si l'individualisme contemporain aura raison de la relation amoureuse telle qu'on l'a connue. C'était une capsule de la série Petite Mythologie, présentée par Martin Bertrand, sur les ondes de C'est fou.